On va parler avec notre ami Benoît Lavoie d'EspaceSoccer.com, la référence soccer au Sénégal Saint-Jean. Salut Benoît. Salut Danny. Vous pouvez écouter son émission également. Je pense pas mal à tous les 15 jours sur YouTube. Ça brasse, ça joue. C'est quoi ça? Ça parle foot au lac, c'est ça? Ça parle foot au lac. Habituellement, j'ai des collaborateurs qui sont là réguliers. J'ai 3 collaborateurs réguliers, des chums de soccer avec qui j'ai joué, puis des gars de la région. J'ai même un de mes neveux qui est là-dedans. Et ensuite de ça, j'ai rajouté un élément, ça parle foot au lac avec. Le mot avec, ça veut dire que j'invite d'autres. Je vais ailleurs un petit peu. Je suis allé avec les clubs de la région, Alma, Venturi au Saguenay, avec le Haut-du-Lac, Dolbeau. C'était bon l'émission avec le Haut-du-Lac, en pensant. Oui, Dolbeau, Robertval et puis Saint-Félicien. Ensuite, j'ai fait une avec les Ultras. Puis là, demain, j'en fais une dans le cadre du 50e anniversaire de l'association régionale avec 3 anciens présidents. Donc, je suis en train de préparer ça justement pour demain. Là. Et on devrait en refaire une bientôt, là, cette semaine aussi, pour parler du début de saison du ECF Montréal avec justement mes collaborateurs habituels. OK. Bon, ben, bravo. Merci, Benoît. Merci. Donc, c'est une belle initiative. Donc, vous écoutez ça sur YouTube. Ben, nous, on va parler du ECF Montréal ou de l'Impact. Tu sais, je dis toujours ou de l'Impact parce que pour moi, c'est encore l'Impact, là. Le camp d'entraînement achève, on joue contre Toronto FC la semaine prochaine. À quoi tu t'attends? Il y a eu un camp d'entraînement et moi j'ai vu ça. Ils ont perdu contre une équipe de 3e division. Écoute, Danny, il y a 2 matchs pré-saison. On a vu que le CF Montréal, l'Impact, a fait pendant la saison morte. On est allé chercher plein de nouveaux joueurs, plein de jeunes joueurs. Il y a des joueurs qui ont quitté. Oui, il y a des anciens qui sont là encore. Mais là, c'est sûr qu'on a juste 2 matchs pré-saison. Donc, on est en mode faire des essais. Puis il y a donc des joueurs, comme je viens de te dire, qui sont bien arrivés avec le club, donc ils ne se connaissent pas nécessairement. Donc, on doit créer une chimie avec ça. Donc, on va avoir un club nouveau, je pense, cette année, quand même avec beaucoup de changements. À voir maintenant le début de saison, comment est-ce qu'ils vont s'en tirer. Ben là, on l'a vu un peu. Écoute, Wilfred Nancy a fait beaucoup d'essais, c'est certain, lors de ce match. J'ai vu des images un peu. C'est un club de 3e division aux États-Unis dans la Ligue. Maintenant, je pense qu'il faut pas s'énerver trop avec ça. Il faut donner la chance aux coureurs. Là. L'Impact, c'est un match. L'Impact, le club de Montréal devrait avoir un 3, 4, 5 matchs de préparation. Là, on en a 2. On en a un deuxième aujourd'hui contre les Roadies de Tampa Bay. Donc, c'est l'équipe de 2e division, ça. Oui. Donc là, on parle de Tampa Bay, c'est la USL Championships. Et Tormenta, contre qui on a affronté cette semaine, c'est la USL League One. Et il y a la USL League Two aussi. Donc, il y en a quelques ligues là, comme ça aux États-Unis. Là. Et probablement que le club de Montréal a eu de la difficulté à se trouver des équipes aussi par rapport à ça. Là. Avec le COVID, donc c'est un camp d'entraînement en mode COVID. Et là, donc, la semaine prochaine, contre le FC Toronto, à Miami, il faut savoir que le match est à 18h, sera présenté probablement à TVA Sports. Il faut savoir aussi que Toronto va déjà avoir 2 moi, matchs j'ai vu 13h sur TSN. Ouais, peut-être que c'est moi qui avais une heure, une autre heure. Ouais. Ça va être à vérifier au niveau de l'heure. Mais en tout cas, Danny, Toronto va avoir 2 matchs dans le corps. Il faut savoir que Toronto représente le Canada à la Ligue des Nations, Ligue des champions CONCACAF. Ils ont joué, on va en parler tout de suite, ils ont joué cette semaine, mercredi dernier, contre le club de León, le club León au Mexique, un match nul de 1-1. Donc, le match retour va avoir lieu mercredi. Donc, c'était un match de 8e de finale. Rappelons-nous que l'an passé, l'Impact avait commencé sa saison comme ça aussi. C'était l'Impact qui était représentant canadien. Une drôle de façon aussi d'avoir donné le championnat à Toronto, justement, là, parce que on sait comment ça s'est terminé, cette histoire-là. Là, on devait jouer contre une équipe de York de la CPL et l'équipe de York n'était pas prête dans le calendrier là, qui était pressant un peu. Donc, on a donné le championnat à Toronto qui joue son match là, retour cette semaine. Donc, moi, je m'attends peut-être que Toronto va peut-être avancer parce que les clubs mexicains, eux, ont quand même en avance dans leur saison à voir la suite. Donc ça nous amène la semaine prochaine pour le match de premier match de la saison. Ça risque d'être un début de saison difficile pour le CF Montréal, mais à voir la suite. Tantôt, je te disais, on a beaucoup de nouveaux joueurs, mais on a encore des éléments qui étaient là l'année dernière, là, en novembre, décembre dernier. Là. Ouais. Hey, Danny, oui. un joueur, en tout cas, juste à mentionner, Danny, un jeune qui est parti à l'âge de 16 ans en Italie, dans un club italien pour essayer de faire une carrière professionnelle en football. Sébastien Brezza, il jouait dans le club de soccer Sainte-Julie. Il est arrivé au club de Monopoly en Italie pour commencer. Ensuite, il a fait d'autres clubs. Il s'est retrouvé avec le FC Bologne. Et là, soudainement, on apprend cette semaine qu'il se retrouve avec le CF Montréal. Donc, c'est un prêt. C'est un gars de 6 pieds 4. Donc, intéressant. Là, on a Pantémis, on a Diop et on a lui. On a prêté d'autres joueurs, Jonathan Sirois, à des clubs de la CPL pour la prochaine saison. Donc, est-ce que c'est une belle arrivée? Donc, ça met de la pression un peu aux deux gardiens qui sont là présentement, là, Clément Diop Diop. et puis comment s'appelle le Québécois, là, le gardien québécois? Moi, je James Pantémis. OK. Donc c'est 13h en passant. C'est OK, confirmé, c'est bon, c'est 13h bon. à TVA Sport. Il y a Austin cette année également, une nouvelle franchise dans la MLS, Austin, qui va jouer, eux, contre le Los Angeles FC. Benoît, as-tu vu passer c'est une entrevue que Jérémy Filosa a fait la semaine passée. Il en a fait deux, c'est-à-dire avec le gars du 1642, puis également Sylvain Ouellet. Sylvain Ouellet, c'est lui qui organisait des voyages à l'extérieur de l'Impact par les années passées. Les deux ont abandonné le billet de saison parce qu'ils reprochent au club de Montréal de ne pas écouter ses partisans. En gros, c'est à peu près ça. Un peu se foutre. Il me semble que quand ce club-là, quelque part, là, quand t'as besoin de. C'est pas, on l'a rappelé souvent, c'est pas le Canadien, là. Donc, respect, me semble, à des fidèles partisans, me semble. Bah, écoute, on en a parlé longtemps. Moi-même, tantôt, tu as parlé de mon émission, ça parle foot au lac. Mes deux premières émissions ont été. Il y a eu beaucoup de sujets sur le rebranding. On en a parlé beaucoup. Eux sortent ça avec le 1642. On se rappelle qu'il y a eu une lettre aussi, une pétition qui a été envoyée par tous les groupes de fans, dont les deux plus majeurs, le 1642 et les Ultras. J'ai même fait une émission avec les Ultras qui était très intéressante. Ah, j'ai Écoute, écouté, c'était très bon. oui. C'est sûr que c'est ça. Si le club n'est pas capable d'avoir une saison intéressante, parce que là, écoute, veux pas, t'as pas nécessairement un meilleur T'es pas à club, là. Montréal, en plus de ça. C'est ça. Je veux dire, est-ce qu'on devra faire marche arrière? Là, pour l'instant, c'est des gens majeurs comme ça qui décident de débarquer, de ne pas prendre leur billet de saison. L'objectif initial de ça, c'était justement d'aller chercher des billets de saison et non en perdre. T'sais, avant d'aller en chercher, il faut que tu t'assures de garder ce que tu as déjà, là, les fans soumis, puis les fans qui sont prêts à aller à l'extérieur, et puis tout ça. Mais là, écoute, c'est une discussion qui est interminable, là. Il faut aller, il faut prendre le terme du club droit devant, puis espérer que le club fasse une belle saison. Sinon, on fait quoi? Est-ce qu'on s'en va aux États-Unis? On perd la franchise? Le Saputo décide de vendre? Il faut pas que ça en arrive là. Et maintenant, après un an, est-ce qu'on fera marche arrière et on reviendra avec le club de l'Impact de Montréal? C'est possible. Les Alouettes J'espère. l'ont fait. Les Alouettes l'ont fait. Mais maintenant, là, on a une saison à jouer. On est en mode pré-saison et le match début, le début de la saison, la semaine prochaine. Bon, pour ce qui est du nom du club et tout ça, c'est sûr qu'au dernier, on va fonctionner avec ce CF Montréal cette année. Comment ça aura donné de vie? Est-ce que ça restera comme ça à voir dans le futur? Ouais. Ligue des Champions. Ligue des champions, les meilleurs joueurs de la planète sont là. Planète Foot, on le sait, c'est écouté partout sur la planète. Donc, mardi, mercredi, les matchs retour des quarts de finale. Quatre matchs intéressants, Dani. Tout d'abord, Zidane encore avec le Real Madrid, une victoire de 3-1. Il faut savoir que contre Liverpool. Liverpool, là, ça, on parle des matchs qui ont été joués, les matchs aller qui ont eu lieu la semaine dernière. Liverpool qui a été champion 2019, c'est ça, le champion 2019. Donc, mais Liverpool, quand tu regardes le classement dans la première ligue, ils ont de la difficulté cette année-là. Tu sais, il y a peut-être un changement de cycle qui s'en vient. Est-ce que l'entraîneur Krupp est appelé à partir? Je ne sais pas, j'ai hâte de voir un peu. Mais Zidane sont allés chercher le match aller 3-1, une belle victoire de 3-1. Du côté d'un autre quart de finale, tu as le Manchester City, le leader en Angleterre, une victoire de 2-1 contre le Borussia Dortmund, donc un beau match aussi. On sait que Manchester City, Dani, ont toujours de la difficulté à aller en Ligue des Champions. Ça va bien en Première Ligue en Angleterre. On a beaucoup de points d'avance Ils ont justement perdu un gros match hier contre Leeds United, là, mais on est appelé à gagner le championnat cette année en première ligue, Man City avec Pep Guardiola. Et en Ligue des Champions, ben, on n'est jamais capable de se rendre en demi-finale ou en finale. Donc, à voir, là, ils ont gagné 2-1 contre Borussia Dortmund. Il faut savoir qu'avec Dortmund, il y a le jeune Haaland, là, qui est un jeune de 20 ans, qui est un Norvégien, qui est la vedette montante de la planète foot internationale, un peu comme Mbappé, le français. Donc, est-ce qu'il va se retrouver à Madrid ou à Barcelone? Il y a déjà des discussions qui sont en cours à ce niveau-là, à voir la fin de saison lors des transferts, lors des mercatos. Le troisième match, le gros quart de finale, à mon avis, c'est la surprise, c'est le Paris Saint-Germain qui est allé battre le Bayern de Munich au match aller à la maison. Une victoire de 3-2. Kylian Mbappé a marqué 2 buts. On sait que c'était la finale de l'année passée. Paris Saint-Germain avait perdu en finale 1-0 contre le Bayern. Et à mon avis, c'est le Bayern qui est grand favori de cette Ligue des champions. Mais là, on a perdu 3-2 à Munich. Donc, on va arriver à Paris. Mais avec pas personne dans les estrades, Danny, pas un chat. Ouais. Est-ce que les matchs à domicile, ça a encore une importance? Avec pas de foule, on peut oublier ça. Hein? Ben, c'est ça, je me pose des questions à ce niveau-là. Mais en tout cas, c'est 3-2 pour le Paris Saint-Germain. On va voir. À mon avis, c'est le gros match à surveiller cette semaine. Ça va être mardi après-midi. Et le dernier quart de finale, on sait que le FC Porto, le club portugais qui avait éliminé la Juventus de Ronaldo en 8e de finale, donc ont perdu 2-0 contre le Chelsea. Donc, le Chelsea a quand même une bonne fin de saison. On sait qu'on a changé d'entraîneur au milieu de la saison. On est allé chercher Thomas Tuchel, l'ancien entraîneur du Paris Saint-Germain. Alors, tu sais, ces entraîneurs-là, de niveau international, se promènent de club en club avec des expériences qu'ils ont. Donc, mes favoris d'année pour les quarts de finale, moi, je mets le Real de Madrid qui sort, Manchester City. Paris Saint-Germain va causer la surprise avec Neymar et Mbappé. Et Chelsea devrait sortir pour les demi-finales. On se reparlera plus tard un peu pour lors des demi-finales. Là. Donc, 4 beaux rendez-vous cette semaine là, sur la planète foot à voir là, cette semaine. Hey, t'as partagé quelque chose, je l'ai vu passer sur ton Facebook, ben, sur le Facebook de l'Espace Soccer. Il y a une Québécoise, Evelyne Vien, qui joue dans une ligue de ben, c'est l'équivalent de la MLS, c'est ça? Écoute, je vais te dire, c'est la New Women's Soccer League Challenge Cup. C'est un tournoi qu'il y a présentement. Et moi, j'ai vu passer ça sur Radio-Canada. Ben j'essaie de fouiller si les matchs semblent être présentés sur la chaîne de Radio-Canada. Est-ce que c'est sur le YouTube ou sur leur site Internet? Je me pose la question. Mais Danny, dans cette challenge-là, c'est un tournoi où il y a exactement 10 clubs féminins. Alors, on sait que le soccer féminin essaie de se mettre en valeur de plus en plus. Il faut en parler. Puis moi, sur mon site Espace Soccer, sur mes affaires, j'aime en parler aussi. Et il y a deux clubs de 5. Il y a des Canadiennes un peu partout dans les clubs. Christine Sinclair est dans un des clubs là-dedans aussi. Exemple, dans la section S, il y a 2 divisions, Danny. Il y a le Racing de Louisville, il y a les Courage de la Caroline du Nord, les Pride d'Orlando, les Gotham de New Jersey, ouais, les Spirit de Washington. Ça, c'est la section S, Danny. La section Ouest, les Storms de Portland, le Dash de Houston, le Red Star de Chicago, le OL Reagan et le Kansas City. Là, c'est un tournoi qui a lieu jusqu'à début mai. Donc, après ça, on va avoir les quarts de finale et les demi-finales. Et probablement que les 2 ou les 3 premiers vont sortir de leur groupe pour ensuite aller chercher un champion. Je trouve ça bizarre que Radio-Canada présente ça. Je trouve ça très bizarre. Il n'y a même pas de ligue, il n'y a même pas d'équipe au Canada. T'sais, pourquoi ils représentent ça? Ils présentent ça parce qu'il y a des joueurs canadiens un peu partout dans les équipes. Justement, tu as parlé. Tu viens de parler d'Evelyne Vien. Je vais essayer peut-être de l'appeler à un moment donné. Je ne sais pas si je vais réussir. Hein. Elle joue avec le Sky Bulls, le FC Sky Bulls, Sky Blue. Alors, à voir un peu. C'est nouveau un peu. C'est-à-dire, Radio-Canada, il faut savoir que Assun Kamara, qui était à TVA Sport, est rendu là avec eux au niveau du soccer. Donc, est-ce que ça aide à ce niveau-là? Sûrement. Maintenant, à voir comment ça va faire ce tournoi-là. Mais c'est intéressant de suivre par rapport aux joueurs canadiens. Et il y a une Québécoise, Evelyne Vien, qui est là, donc à surveiller. On en parlera dans les prochaines chroniques, si tu veux. Là. Ben oui, c'est ça. Tu veux me parler, tu voulais parler après ça du soccer dans la région. Ben, je voulais, avant de tomber dans la région, je voulais te dire, le Elk, hier, il y a eu un super match. Oui, c'est match vrai. Elk. El Clasico en Espagne, le Clasico entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Alors, et en plus, cette année, le classement de la Liga est très, très serré. C'est l'Atlético Madrid qui mène, mais ils ont un point d'avance devant de Barcelone et Real Madrid. Victoire du Real, match 2-1. On voit que Zidane, le technicien Zidane, avait un schéma tactique très. J'ai écouté la partie. On a laissé Barcelone avoir le ballon. On laissait Barcelone avoir le ballon. On était 10 en défensive, vraiment là, à garder nos positions et contrôler Messi, ne pas lui laisser d'espace, faire attention. Et aussitôt qu'on avait une chance de faire une contre-attaque, on a marqué 2 buts à ce niveau-là. Et Barcelone a marqué un but vers la 60e minute, 2 à 1. Et on a manqué, on a eu une barre transversale en fin de match. Même le gardien de Barça avait sorti et a eu une volée là, qui a été bloquée par un défenseur. Donc, un match de 2-1. Il reste encore 7-8 matchs hein, dans la Coupe, dans le championnat espagnol. Et un peu partout dans les clubs en Europe, il reste 5, 6, 7 matchs dans les clubs pour finir la saison. La FA Cup, parce qu'on suit ça un petit peu en Angleterre, il se passe quoi avec ça? C'est la. Ben là, je pense qu'on est rendu dans les quarts ou demi-finales. Il Ouais. faudrait que j'aille fouiller là-dessus. Cette semaine, pardon, moi, je suis un petit peu plus le soccer espagnol, Dani, à cause de Messi. Je suis Ouais, branché OK. un peu Messi. Il faut savoir que cette semaine, il y a le match entre la finale de la Coupe du Roi, la Coupe d'Espagne, avec Barcelone qui va jouer contre l'Athletic Bilbao. Ça va être intéressant à suivre ça aussi. Et pour ce qui est des championnats anglais, la FA Coupe, on s'en reparlera. J'irai fouiller. Je te donnerai l'info, Dani. Moi, je suis Bayern Munich, parce que les matchs sont présentés à Sportsnet. J'écoute ces matchs-là. Ils ne perdent pas souvent à Bayern Munich, hein. C'est une des grandes puissances de la Ligue, hein? Ben, comme je te dis, à mon avis, c'est les favoris de la Ligue des Champions encore cette année. Mais en Allemagne, ils ont quelques points d'avance. Hier, ils ont échappé un match nul de 1-1. Donc, la Bundesliga, je pense qu'ils ont 6-7 titres consécutifs. Là, tu sais, ces gros canons-là, Ouais. c'est eux qui ont les gros budgets puis qui signent toujours les gros joueurs. Fait que, tu sais, à quelque part, c'est un peu faussé tout ça, ces données-là, parce qu'ils ont un budget ouvert complètement. C'est un peu fou, là, cette histoire-là de foot business, là. Mais en tout cas, mais pour te ramener dans la région, Dani, juste pour terminer, les inscriptions dans tous les clubs de la région, ça se produit Est-ce qu'il va encore. y avoir une saison? Est-ce qu'il va y avoir une saison maintenant? C'est la question. Il faut attendre les annonces. Qu'est-ce qui se passe? On voit les manifestations là, un peu qu'il y a eu hier à Québec, Montréal, de laisser les enfants libres, les marches dans les J'espère. écoles, dans tout cas, avoir tout ça. Et puis, avoir la saison. On attend les annonces, mais nous, notre côté, tu sais que je suis dans le CA de l'ARS, l'association Ouais. régionale, qui cette année, on parle du 50e anniversaire. Donc, on est en train de regarder pour faire de montrer sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook de l'ARS, des photos d'histoire, photos historiques de la région. On parle d'un gala au mois de septembre, on parle d'une coupe 2A provinciale, peut-être qui serait disputée à Alma à l'automne, mais ça dépend toujours des annonces. Parce que les Jeux du Québec, présentement, Danny, si tu penses, ça va être annulé pour cet été encore. On parle d'avoir un festival au mois de mai, au mois d'août. Et il y a une Coupe Saint-Glac qui revient là, cet été, à l'été 2011. Et nous, au mois d'octobre-novembre, à la reprise des ligues intérieures, on veut un expo soccer au centre multisport Alma. Et tu seras invité à y participer, Danny. Oui, oh, regarde, c'est important. Benoît, ça fait pas mal le tour pour cette semaine? Oui, c'est bien beau, mon Notre ami ami. Benoît Lavoie d'Espace Soccer, la référence du soccer au 500.